Le rapport d'activité du comité central présenté par le dirigeant suprême Kim Jong-un au 7e congrès du Parti du Travail de Corée est publié en brochure à la maison d'édition Corporación Heraldo SAC du Pérou.